own. Stay a while, stay a while, stay here with me. Lay here with me, yeah, yeah. I like me better when I'm with you. Better when I'm with you. Web radio préférée. Envoie tes messages vocaux en un clic. Et réagis en direct à la radio avec Voxem. C'est trop bien. Avec Voxem, donne ta réponse au jeu. Participe au débat et lâche ta dédicace. Lâche ta dédicace. Voxem, quand tu veux, où tu veux. Découvre toutes les fonctionnalités de Voxem en téléchargeant gratuitement l'appli sur iOS ou Android. Voxem, vivez la radio autrement. Hey, vous écoutez Studek Web. Sur notre radio, retrouvez les meilleures nouveautés du top 40. Voyage, voyage. Oula, t'es encore bloqué 30 ans en arrière. Attends, je te fais une petite mise à jour. Mise à jour, système. Je crois que c'est bon là. Hey, vous écoutez Studek Web. Sur notre radio, venez découvrir les nouvelles étoiles montantes de la musique. Camila Cabello. Amir. Jacob Banks. Studek Web, la radio des nouveaux talents. Charmeur, charmeur, ouais. Et tous les soirs tu rêves de lui pendant qu'il dort, dort, ouais. La vie est faite pour ceux qui vivent, respirent sans cœur. Je sais que l'amour n'est pas facile pour les petits cœurs qui battent seuls. Prends soin de ton cœur, jouez pas ce jeu, tu verras. J'ai ignoré cette voix, voix, oui. Ce chuchotement qui me dit c'est clairement carte à toi, oui. Envoûté, j'ai eu confiance, tombé dans ta danse, oui. L'amour ne se joue pas, maintenant ce sera sans moi. Je sais que l'amour n'est pas facile pour les petits cœurs qui battent seuls. Prends soin de ton cœur, jouez pas ce jeu, tu verras. Said you called but left her waiting, waiting, yeah. For all the times she lay there anticipating, waiting, yeah. For all the times you swore that she was your only, only, yeah. Was it came at night because you were lonely? Come and fall soon up and fall.